Dans un décor rouge, Stone Harbor, Tito Souriri est devant un démonstratario Suarez, un magnifique socialiste. Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Apparemment il n'y avait pas From Jazz to Jazz, mais il y a bien Nuisance, donc ça commence dans 5 minutes. Thank you. Bienvenue, c'est Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM. Ça commence déjà à être chiant. Bien parti. Bonne soirée en prévision. Bon, je mange des bugles. On évitera de bugler peut-être tout à l'heure. Nuisance, émission qui nous veut sens. Une émission de toutes les nuisances. Pour vous, chers auditeurs et auditrices de Canal Sud. Ah. C'est bon, hein? Carrément, c'est putain délicieux, quoi. Ah voilà, j'ai bougé le micro pour pas en foutre partout sur la table, quoi. Les lunettes, je veux dire. Ça pourrait être ça, ça pourrait être du foutre ou du stand. Là, il y a un invité ce soir, dans les ans, c'est un invité. C'est bien. C'est bien qu'il soit venu. Si j'arrache le jack ou tout, le casque, ça va pas bien se passer, hein. Ça va mieux là, un bon casque, on lève le micro, pas besoin de se baisser, pas bête tout ça, c'est pas bête du tout, ça y est, encore mieux. Oh non, écoute, je n'ai pas les moyens. Tu m'en sers bien? Ouais, cool, merci. Putain, c'est super les casques qui se votent sur la gueule là. De la gueule, devrais-je dire. On a vraiment du matériel de merde ici. À mort Canal Sud, la radio. La pire radio au monde. Celle qui vous fait chier jusqu'à ce que vous pourrissiez dans votre merde, dans vos pantoufles. Léthargique. Narcoleptique. Société narcoleptique, c'est ça. Pauvre société narcoleptisée. Ça va pas commencer avec Larsen là. Ça va pas être possible. C'est comme IBM en français, mais en décalé. H-A-L, c'est comme IBM. Le mec est décalé en fait dans les alphabets. C'est ça. C'est déjà ce qu'il y a d'ailleurs. D'abord, tu vas se sur le dessus. Tu vas se sur le dessus. Dans la boîte, s'il y a trois différents chiens. Ah ouais, non, j'ai pas sur le dessus. C'est le meilleur. Ouais. pardon, excusez-moi, une vieille tendance. À éructer dans l'émission. Une vieille tendance, c'est moi, et j'ai éructé dans l'émission. Vous lire une poésie de Gustave Eiffel. Oh, la tour qui ressemble à une bite, que j'aimerais bien me la prendre dans le cul. Que j'aimerais bien me la prendre dans le cul, la tour Eiffel de mon nom. Ah non, donc c'est une poésie de Gustave Eiffel. Gaston Eiffel, je me souviens plus trop. Et une poésie de Napoléon. Oh, l'arc de triomphe que j'aimerais me prendre dans le cul. Oh, l'arc de triomphe, qu'il est beau, qu'il est beau. Napoléon Ier, Bonaparte de son vrai nom. De Dieu. Et également la possibilité de parler comme ça, quoi, pour être entendu. Ouvertement. Peut-être se rapprocher un peu d'eux. Mais sans plus. Éructance, toujours. Je tiens déboîter l'anus. C'est toujours très important de déboîter l'anus. Par cela, les limaces qui coulent du trou du cul purulent d'un sanguinolent méfait. Mephisto, oh, ébli. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une sinusite, j'ai pris des antibiotiques et ça m'a donné la diarrhée pendant une semaine. Cool. Ah, c'est les amphétamines qui m'ont tout vidé la constipe, quoi. C'est génial. Moi, j'ai toujours été frileux avec ça. Ouais, avec ces produits-là. On les prend par le nez, comme ça évite de couler du cul. D'accord. Bah sinon, il paraît qu'il fallait prendre de la levure pour éviter de couler du cul, mais j'ai voulu faire le résistant et j'ai pas écouté mon pharmacien. Et du coup, j'ai coulé du cul et maintenant je suis irrité. Et à chaque fois que je me frotte l'anus avec du PQ, j'ai mal. Ça gratte, hein. Je comprends, ça fait mal, ça ouais. Pique et ça brûle et tout. C'est horrible, c'est horrible, c'est vraiment. Bah, merci de ton témoignage, quoi. On va t'appeler Bob. Salut Bob. Ouais. En fait. Donc, tu fais partie du clan, ça y est. Ouais. Tu fais les hémorroïdes, quoi. Bah ouais, Bob, parce que maintenant je me lave le cul avec une éponge parce qu'il me faut un peu d'humidité, sinon c'est trop rêche et ça m'irrite encore plus. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'ai essayé le vinaigre, l'acide acétique pendant un certain temps, mais ça marche pas. Non, ça brûle les chairs. Ouais, voilà, c'est ça, ça cautérise les plaies. Et vu que le trou du cul c'est une plaie, comme la chatte, quoi, ben, ça fait mal. C'est pour ça, ouais. Faudra mettre du beurre de karité ou un truc comme ça. Ou de cacahuète. Ou de cacachouette, je sais pas, tu vois. C'est la boîte à caca, je me suis dit peut-être Ouais, mais le beurre de cacahuète, en fait, ça rappelle trop les pertes de quand tu coupes du cul. Donc du coup, c'est pas... En même temps, ça change pas de l'habitude, quoi. Bah ouais, mais si ça s'arrête, mais que t'es toujours irrité, si tu coupes plus du cul, bah au moins, tu peux montrer ton caleçon sans problème, quoi. Ouais, bah c'est un débat. On va en débattre ce soir. Rejoignez-nous sur le standard du 05 61 53 36 95, le standard, donc du 05 63 53, pardon, 05, je répète, le 05 61 53 36 95, c'est le standard direct studio, vous pouvez participer à la conversation si vous le souhaitez, vous pouvez donner votre avis sur les boursouflures du cul, les hémorroïdes, anal, jésic, j'hésite pas en tout cas. Café psycho ce soir, café psychotique. On va être tous des fous ce soir, on va être déments. C'est le con. Donc peut-on mourir un jour? Bonne question. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça rapporte tous les bénéfices de la mort? Finalement, est-ce que mourir c'est moral? Voilà. L'éthique de la mort. Ou de la cryogénisation, c'est comme vous voulez. La cryogénique, comme on dit ça. La cryogénique, nique. Puisque maintenant, il n'y a plus de limite pour un être humain, tout est possible, dans l'espace comme dans le temps, donc... Oui, alléluia. Quel est le choix, mourir ou être éternel? Alléluia, mes frères et sœurs, nous avons trouvé la voie pour vous, nous avons trouvé la seule et unique voie, celle voilà. De la mort. Celle de Alléluia. Alléluia, deux personnages. Ce soir, Louia avec Al, dans Nuisance, sur Canal Sud 92.2 FM. Il vous reste à peu près 1h50 pour changer d'antenne. Parce que sinon elle va cramer votre antenne. Elle va fondre. Alors peut-on parler de tout ? Bah sûrement pas de la connerie humaine, ça on peut pas en parler. Parce qu'on est trop cons. Le temps humain est-il celui du cul qui suinte ? Certainement. Sur Anal Sud. Anal Sud pour vous dans le cul. Profond, profond. Dément, dément, ciellement, ciellement, con, con, con. Le bonheur peut-il être con ? Il l'est certainement con. Le bonheur dans le fric en tout cas, il l'est parfaitement. Obnubilément con. Comme un foutre. Peut-on brûler du papier dans les studios de Canal Sud ? Certes. Brûlons le papier philo. Et crevons les abcès purulents, toujours. Merci. De rien. Il vient de me remercier pour un abcès purulent que je viens de crever, c'est pour ça. Et pour philosopher, doit-on habiter une autre planète ? Doit-on être astronome ? Ou doit-on rester statique ? Ou dynamique, c'est toujours la bonne question. Doit-on rester statique ou dynamique sur notre planète ? Donc bouger ou ne pas bouger ? Telle est la saloperie de question de merde. Bouger et risquer de mourir ou vivre éternellement sans bouger. Voilà. Ou bouger du cul en se frottant l'anus avec un doigt ou deux. Tout ça avec du gel, bien sûr. Selon la tendance en vigueur dans le pays. Spermicide. Nous ne voulons pas d'enfants. Nous ne voulons que des vieux croulants, pour les manger, comme dans Le Soleil Vert, quel beau film. Vouloir séduire est-il moral ? Il l'est certainement, car la séduction est la façon de se prendre des gouttes dans le cul, la seule façon, par quelqu'un d'autre en tout cas. Donc la séduction est vraiment morale. La définition de séduction, ça vient du latin, qui veut dire conduire hors du chemin, détourner du droit chemin. Voilà, c'est ça. Donc quitte à se prendre des gouttes dans le cul. Donc, voler ou ne pas voler ? Ne pas voler, est-ce vraiment s'abstenir de voler, quoi ? Si on ne nous volait pas, qui le ferait ? À qui voler le vol ? Doit-on vivre tout le temps en vacances ? Y a-t-il des droits humains ? Ou que des devoirs ? Est-ce que l'élite sociale est synonyme de perfection ou de stupidité ? Toutes ces questions seront abordées ce soir dans le thème du jour. La merde, virgule la merde, virgule point de suspension, virgule la merde. Le must de la merde, la confiture d'anus. Point d'interrogation. On sait aujourd'hui que la merde peut être une marchandise. Tout à fait. Mise en boîte. Certes. C'est même le sommet de l'art contemporain. En effet. Et c'est accessible à tous. Oui. Pas besoin d'être astronome ou... Acheter de l'art. De l'art en boîte. Faites-en en boîte de merde. Tous chez vous, art créatif. Au-dessus de votre cuvette. Chier. Revenez au stade anal. Chier profondément, seulement. Que vous êtes tous égales à vous-mêmes, con, comme moi, ce soir, je suis le plus con de tous les cons humains. Moi, j'ai commencé à couler du cul quand j'ai pris froid, et parce qu'il neigeait, on avait des températures de moins 10, et j'ai pris froid parce que j'ai obéi. Faut être obéissant, faut être con. Il faut obéir à l'appel du cul. Il faut chier tous les jours. Au moins deux fois par jour. Le matin, le soir, et le midi, si tu veux, tu peux chier par la bouche. Dans l'espace intersidéral qui ne fait que le soulever du domaine. Et tu y veux rester dans le livre des demeures. Alors, est-ce qu'une éducation était toujours à l'égard d'autrui ? ou plutôt voler, est-ce que c'est vouloir séduire? Le temps humain est-il une tolérance ou une contrainte à l'éducation? Et là, la racine de l'éducation, donc, c'est éduquer, conduire hors de soi. Et là aussi, on en revient aux mêmes choses. C'est sympa cette musique. Bon, bah, puisque c'est de la musique, j'ai coupé, quoi. Parce qu'on mérite pas ça, on mérite pas de la musique, ouais, on est que de la merde, les humains, mon avis, quoi. Donc l'esclavagisme est-il un problème dépassé? Oh oui, certes, car le travail, c'est moderne, on aime le travail, l'esclavagisme, c'est mort. On préfère le travail de nos jours. Moi, je préfère le salariat. Ça passe mieux dit comme ça, en fait. En fait, moi, je suis toujours un esclave, mais... Alors, je suis salarié, quoi. Crever la merde, pour de la thune. Ouais. Du fric, nous, ce qu'on veut, on veut manger du fric. Ben moi, en fait, je veux du fric, comme ça je peux m'acheter du PQ pour pouvoir chier. Voilà, les pompes, on t'archer le cul avec. C'est lequel ton verre? C'est le droit, c'est là, le trop tard, le trop plein. Trop tard, il est trop plein, son pote. Je sens mes potes d'enfance, deux trop tard. Ça va être passé de l'autre côté. Et ensuite, il est trop qu'il joue du piano. Trop tard que je vous dis que. Merde, j'aurais dû vous le dire plus tard. Soit c'est un vrai choix. Tu sais. Il n'y a pas d'espoir. Je sais pas. Que ça n'est pas l'espoir. Putain, c'est un piano, quoi. C'est leur piano. C'est autre chose. Leur maison. C'est leur vie que je dois. Que je leur dois. Leur putain de vie, je leur rends. Tenez, prenez ma vie. Ils ont pas voulu, je sais pas. Moi, je peux plus, en fait, mes parents, je peux plus leur rendre la vie qu'ils m'ont donnée. Trop tard. Mais en fait, c'est mieux parce que du coup, je rends ce que je veux au monde. Moi aussi je fais ça, ça s'appelle se venger sur le monde. Parce que Nietzsche ne disait-il pas le monde te prend tel que tu te donnes? Par le cul. Mais mes parents, ils m'ont donné par le cul. Et par la bouche aussi. Et après ils m'ont pris, ils m'ont gardé avec eux jusqu'à mes 18 ans. Tu es à nous. Comme un pépé. Tu es à moi, pépé. Tu vas rester avec moi, papy. Vieux, croulant, tu vas bouffer la viande que je te prémâche et tu vas chier ce que je t'ai prémâché à chier. Comme papy, un oisillon, comme un pépé. On te donne la béquée. Papa, je t'aime tellement. Si seulement on pouvait t'enculer. C'est bien, c'est juste pour le plaisir. Prout. Plaisir de l'amour. Du caca. Prout. Laisse-moi te sodomiser, oh mon fils, je t'aime tellement. Laisse-moi te scotomiser. Mon fils, tu auras besoin d'un psychologue clinicien pour enfants, adultes et familles. Allons tous chez le psychologue. Clinicien? Oui. Il clean alors? Non. Ah, c'est un chien. Non, en fait, il se sert de ses mains. Bon, les mou, c'est ça? Jusqu'à ce que tu fasses tagada. Avec ses mains. Tagada. C'est ça, humain. Udada. Udada sur ma bite. Vas-y, le psychologue, branle-toi sur ma bite, fils de hyène. Miroir sur le mur, je voudrais savoir d'où vient l'anus. Vient-il de moi, vient-il de toi ou vient-il de nous tous? Oh naturel, naturel. Quand tu nous prends par les pieds. psychopathie, psychopathologie. Toi, quand tu nous chies, est-ce que t'as déjà pensé? Est-ce que t'as déjà pensé crever? Moi ça m'arrive tous les jours, grâce à toi, sale con. Ça c'est gentil. Oh psychopathologie, quand tu nous tiens par les pieds, est-ce que tu nous mets dedans toi ou dedans nous? Tu te mets où? Là-bas, lâche ton bouquin et viens péter dans le micro. Mais mon cul est meurtri. La mentalité est désœuvrée ce soir. On comprend plus rien déjà. Enfin. Elle n'est pas généreuse. Mais plutôt générante. De troubles. C'est ton stylo? Oui. C'est un savant mélange entre du monk et de Eric Satie. De la merde en boîte, en bar même. C'est tout de la merde. C'est tout de la merde en bite. La bite, c'est de la merde qu'on se prend dans le cul. Ça pue. Ça pue le cul. De la merde. Nous sommes au cul de la merde. Héritiers de la merde. Nous sommes devenus plus que la merde, nous sommes le surmerde. Les testamentaires. Et les héritiers. Les colons et les colombins. Tout ça pour vous ce soir, sur 92.2 FM ou canalsud.net. Oh mon dieu, ça y est, y'a plus rien qui marche, bordel de merde. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Bon bah je voudrais m'excuser auprès de Canal Sud. Je viens de pourrir le système sonore. Tout le système son a cramé quoi. Vous entendez la désagrégation du son là. On entend donc la désagrégation du son là. Voilà donc c'est foutu. Ça se désagrège. Je sais pas quoi faire, je crois que je vais vous niquer tous. Vous enculez, je veux dire. C'est le seul moyen que j'ai de m'exprimer, enculé. Bâtard. C'est vraiment que de la merde. Et moi aussi. C'est bien ça le mieux. Thank you. Merci à vous tous de m'avoir donné la chance de m'exprimer. Je vais me tirer une balle maintenant. Pan. Merci encore. Pour tout. Merci. Pour votre générosité. Et votre naturel dans la connerie. Oh, tendre anus. Oh, yeah. Et votre cul, tellement j'aimais votre cul, quoi. Oh, merde, c'est ce que je vais regretter le plus. Veuillez m'abuser. Bon, et si quelqu'un veut absolument me sucer la bite, il le peut avant ma mort. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, ben, j'étais tenté de me faire un piercing au gland ce soir, pour vous. Pour mon public adoré que j'aime, mais je me suis dit non, je me suis fait plutôt un piercing à l'anus, donc j'ai un anneau maintenant à anal, c'est chouette. Et un écarteur aussi, et un plug, et une plume. Et ça, c'est plus profond que de se faire un piercing au gland, quoi. Piercing au gland, c'est exhibe. Totalement out, c'est pas in du tout. Piercing au gland, c'est vieux jeu. C'est les vieux pouilleux qui font ça, les clodos. Parce qu'ils ont personne pour les aider, ils le font eux-mêmes. Et là, l'anus, là, franchement, là, il y a du boulot, quoi. T'es obligé d'avoir une main amie pour ça. Amibe. C'est selon. Mais une main humide, quand même. C'est toujours difficile de se percer avec une bouteille de pinard cassée, quoi. Vous pouvez y arriver. Préférez les quilles de bowling. Ils sont nettement mieux profilés. J'ai opté pour l'écarteur, donc une boule de bowling. Refendu en 4 avec des ressorts. Histoire d'avoir un urètre opulent. Contenté. C'est le fin du fin, la fin de tout. La fin des temps, la fin des oufs, c'est nous. Ça n'existe plus la folie. La folie, ça se vend maintenant. Ça se vend moins cher que la bouffe. Ou plus cher, ça dépend de la demande. Nous, en Occident, on aime bien la folie. Se bourrer l'anus avec des conneries. Que les Africains, ils préfèrent manger. Manger notre merde. Parce qu'on en a trop. Mais nous, on veut pas de la merde. On veut de la folie. Et eux, ce qu'ils ont, c'est de la merde. Bah ouais. Merci nous. Ouais, merci, ouais. Et sans notre merde, vous seriez quoi ? là il m'a dit... Il m'a dit va te faire enculer, tu sais. Alors non, le mec qui me dit... Non, quoi pas, c'est ça qu'il m'a dit, quoi. Ah pardon, il t'a dit quoi? Elle m'a dit... va te faire enculer, quoi. Tu veux juste un plan cul ou tu veux... Ah ouais, non, moi j'ai dit va te faire enculer, tu sais. Mais moi en fait j'ai pas su quoi lui répondre parce que... Putain, non, excuse-moi, je suis désolé, excuse-moi, j'ai foiré ton plan, en fait c'est ma faute, c'est ça. Ben non, c'est parce que je t'ai dit va te faire enculer. C'est parce que je me suis dit va te faire enculer. Non, mais c'est pas grave, c'est pas ça, elle a pas changé. Parce que je lui ai dit va te faire enculer, c'est ça? Non. D'accord, non, je comprends. Bah, je vous dis, alors à vous, allez vous faire enculer, quoi. Non, ouais. Ça marche pas. Ou allons nous faire enculer. Ouais, ouais. Voilà, ça. Ouais, parce que mieux, les amis de nos amis sont nos amis. Ouais, ça se partage. Mais moi, en fait, quand elle m'a demandé ça, je savais pas trop quoi lui répondre. Je savais pas si je voulais juste le cul ou plus. Je savais pas. Mais plus que le cul, ça fait mal. Hein. Bah c'est tout de suite, ça fait de la merde et tout, tu sais. Du caca, je veux dire. Beaucoup. Ou aussi... Sauf si on est d'accord sur le caca. Ah, je veux dire, le caca dans la chatte, quoi, et dans la bite et tout, c'est ça que je veux dire. Parce qu'après le cul, ouais. C'est de la merde, quoi, partout, de la merde, quoi. Des murs de merde, des gens de merde, du ciel de merde, du soleil de merde, de l'air de merde. Club de merde, de la merde de merde, de la piste de merde, des bains de merde, de la bouffe de merde. Non mais si on est d'accord sur la merde, franchement on n'est pas obligé d'en mettre partout. Hein. C'est partout. Fait finement, quoi. Ah ouais, finement dans le cul, quoi, toujours. Alors on va avec un doigt, non, un petit doigt, dans le cul, dans la merde. Parce que c'est le fin du fin, mais quand c'est bien fait, finement. Ah mais fait, c'est tout. C'est pas bien ou mal fait, tu sais. Mais non, on peut pas refaire ce qui est fait. Ça peut pas être bien fait ou mal fait. Il faut détruire d'abord pour pouvoir refaire. Alors, si on prend la merde et qu'on la détruit et qu'on la refait en quoi, tu sais, en merde, eh ben, il faut la changer en merde avant. Il faut la mettre en merde, la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Mais en fait, faut qu'elle passe par toi. Par mon c'est coup du c'est cul. Ça qui la rend si précieuse. Si précieuse à mon goût. Une merde anonyme, là ça me fait chier. Mais si c'est une merde de quelqu'un que j'estime, ben là tout de suite ça a de la valeur. Ceci dit, pour autant, mon anus ne t'appartient pas. Ni à moi ni à toi d'ailleurs. C'est pas ton corps, c'est le corps de l'État, c'est tes salariés. C'est ça le salarié. C'est pour ça que tout ce qui arrive vers moi doit arriver. Et je ne refuse rien. Il fallut que ça arrivasse. Une fois, je me suis fait enculer par un radar. C'était un rat. Un rat, il m'a enculé, mais je me suis pas aperçu. Je me suis levé le matin, j'avais des petites crottes de rat dans le cul. Et ça fait pas chier, quoi. Il lui foutre aussi beaucoup. Parce que le rat, on le connaît, que le radar, non. Je sais pas qui c'est. T'envoies une lettre avec son nom, mais en fait c'est un nom que tu connais même pas, tu vois. Et on parle pas assez de l'art du rat aussi. Ouais. Mais le ratart, franchement, c'est... Ou l'orateur, tu vois, le rateur, quoi. Ouais. Lui, il est pas bon à rien. Enfin, il est pas mauvais à tout. Il le rate, quoi. Il est bon à rien, mais il est pas mauvais à tout. Il le rate beaucoup. Mais il en subsiste toujours quelque chose. Une petite merde. Un gros tas. Mais plein de petites merdes, on s'en souvient, et après on arrive à faire une merde plus belle et plus grande, avec tous ces avortons de merde. Et ces trous partout, comme du temps du gruyère. C'est une sorte de jachère, et ça c'est fertile. On a envie de péter, quoi. Que si on aseptise tout, s'il n'y a plus de merde, s'appauvrir. Bah, il reste la bite, quoi. Et la chatte. Et s'il n'y a pas matière à chatter, on doit faire des bites. Où est la création? Où est la création? Certainement pas ici. Non, car nos anus ne s'assemblent pas. Toujours une bite et un anus. Deux anis. Philosophie extrême orientale. Qui n'était pas manichéenne, hein, qui entendait simplement dire que ce qui se passe est entre le yin et le yang. C'est-à-dire entre la bite et la nu. Tout à fait. Viens. Il faut chercher des P, quoi. Entre le 0 et le 1, entre la bite et la nuit, là est la voix du milieu. La voix est là. Petite bite. Mais pas toujours. Tournez, s'il vous plaît. Un petit peu sur le côté. Ah, c'est plus facile pour moi, là, d'avoir votre anus. Rose. Oh oui, beau soufflet. Mon anus, beau soufflet. Que dis-je ? Notre anus, beau soufflet. Notre, le nôtre. Car on pourrait se poser la question, qui de l'anus ou de la bite est l'esclave ? Qui est le maître ? Le maître est entre les deux. C'est lui qui nous pousse. L'anus est un aimant qui attire la bite. La bite étant de fer, est en rage contre l'aimant. Pourquoi m'attires-tu ? Et l'anus, pourquoi me défonces-tu ? Mais... Oh ! C'est trop bon ! C'est du saucisson. Oui, mais du saucisson. Du saucisson d'anus. Du colombin prestigieux. Encore un guatémaltèque qui parle. Ses voisins colombins le dérangent tellement avec leur coco. Ce sont des mangeurs de cacahuètes, leur colombin est dur comme le granit. Leur caca. Jadis, les anciens colombiens projetaient sur leurs ennemis des colombins. Les guatémaltèques. Les occidentaux, voyant cela, étaient fort impressionnés. Et ils ont inventé le lancer de nains de jardin. Sport réputé et, comme tous les sports, à mettre au cul. Au trou du cul. Donc nous sommes à l'ère du double anal. À l'aube du troisième millénaire, on peut se poser la question, est-ce qu'on arrivera à l'ère du trianal ? Après le triathlon, le trianal. L'épreuve est à son comble, les gens sont stressés comme on ne peut plus. Ils puent la purulence et ils sont à fond, ils se frottent l'anus toujours à fond les mecs. Donc le trianal toujours. On suit l'expérience. Quelle confiture d'anus donnera ce trianal ? Du sang, de la purulence partout, ça fécule. En fait moi je me pose la question, est-ce qu'on est prêt à ça ? On se rend compte que c'est compliqué déjà la double anal. La triple anal, comment se positionne-t-on à votre avis ? Entre les deux. Les autres, en fait, une bite pénètre par la face opposée au postérieur et deux par chaque fesse du postérieur. Par le rectum. Donc en fait, ça donne une pénétration trilobée. Tout à fait. C'est à ce moment-là que je lui dis, mais va te faire enculer, bâtard. Parce que c'est lui que j'ai pris en fait par le cul. Je me suis trompé. C'était pas elle. Alors j'ai eu honte. C'est à ce moment-là que j'ai éjaculé dans son cul. Et c'est à ce moment-là que le mec qui m'a dit « Mais va te faire enculer, bâtard !» Et moi, je lui ai dit « Mais va te faire enculer, bâtard !» Et ça a continué comme ça pendant environ un quart d'heure. Tu comprends ? Alors, faut-il interdire le droit de citer aux créationnistes ? Faut-il interdire le droit de citer aux créationnistes ? Eh bien, la question demeure au Café Philo tous les mardis. Vous pouvez suivre une expérience comme la nôtre, mais différente. Mais toujours des expériences spontanées. Spontanément, donc je me permets pour moi-même d'être con et de vous enculer tous, toujours l'habitude, dans l'usance, de vous souhaiter un joyeux Noël et une belle merde. 2012, l'année de la loose. 2012, la fin du monde, 21 décembre, je serai au rendez-vous. Je vais me pendre pour vous encore une fois, le 21 décembre 2012, en live. Je crois que ça tombe un vendredi, ça tombe bien. C'est génial. Je suis tellement heureux, je remercie Dieu, je remercie mes parents, ma famille, je les aime tous et toutes. je voudrais me contenter aussi de me contraindre à, mais je préfère notamment le café qu'à la philo. Quoi. Je préfère le café à la philo. Parce que le café, en fait, facilite la... l'évacuation, en fait, voilà, la production de merde. Ouais, et d'euro aussi, d'éructance. Je vous éructe à la gueule, espèce de pouvoir en place de merde. Ça n'a rien à voir. J'ai zappé. Excusez-moi, je fais un petit tri dans ma tête. La préfecture, je l'encule. Ah, ça n'avait rien à voir là non plus. Les sans-papiers, ben, c'est cool. J'en veux pas non plus. Mais notre grand concours tient toujours. Donc, qui saura nous dire comment doit-on se placer pour faire la triennale ? Ouais. Spéculum ou non spéculum ? Je pense qu'il faut chercher du côté de compétences comme la vision dans l'espace. Imaginez en fait ces quatre corps en action. Interpénétrés. À une fréquence différente, à une place différente. Nous sommes dans l'honneur de vous dire que le café est pour vous servir. Si vous arrivez à appeler le 05 61 53 36 95, je vous servirai un café ici même. Vous ne pourrez pas le boire car je ne vous ouvrirai pas la porte, mais vous pourrez toujours appeler au 05 61 53 36 95. Le téléphone est décroché, vous aurez un espèce de truc comme ça, je vais vous montrer. Ah mais ça passe pas. Ça, voilà, ça. Vous aurez ça. Ok. 05 61 53 36 95. Appelez s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort. Bon, je suis pas forcément d'accord avec toi, alors mec, pourquoi tu lui as dit d'aller se faire enculer, je veux dire? Parce que le mec, il est foncièrement d'accord avec moi, bah, tu vois. Non, c'était spontanément, c'était tout. Ah, franchement, j'ai voulu être honnête avec lui. Ah, je lui ai dit, en fait, il faut consommer rapidement après l'ouverture du sachet, donc voilà. Vu qu'on avait commencé. Ah, ok, d'accord. Voilà, il fallait lui conseiller de se faire enculer immédiatement. Le premier passant, il fallait qu'il se fasse enculer. Moi, j'aurais pu lui rendre ce service, c'est ça que je lui proposais finalement. C'est pas méchant. Ah bon? Oui. Oh. Mais je lui propose, naturellement. D'accord. Mais c'est pas la fausse modestie. Non. Ah d'accord. Ouais. Enfin voilà. Mais vas-y, je te coupe pas, tu sais. Non, c'est clair. Tu m'entends pas au bout du fil? Ah non, mais c'est occupé chez moi. Je dis pas allô. C'est trop nul de dire allô. C'est occupé chez moi. Allô? Allô? Allô? Mouchi mouchi. Chez nous, chez les Gaulois, qu'on dit allô. Ouais, chez les Gaules. Chez les Gaules, on fait pas. Chez les Gaules, on fait. Chez les cons, on fait va te faire enculer, bâtard. Parce que moi, je suis pas d'accord, tu vois. Moi, je suis pas d'accord que ce soit toujours les mêmes qui se fassent niquer. Alors, moi, je dis merde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Merde. Moi, je dis merde, faut mieux qu'on crève, quoi. Ça ira plus vite comme ça. Comment chier, tu vois ce que je veux dire? Ah, parce que franchement, sincèrement, tu vois, avec honnêteté, comme tu disais tout à l'heure, mais on est que de la merde, l'humanité, tu vois. C'est que de la merde, ça fait que de la merde, ça se nique entre en soi, et ça pue, et ça nique la planète, ça nique l'univers, et ça pue, et c'est de la merde, tu vois. Alors faut les niquer tous et toutes. Faut toutes niquer, et toutes niquer, tu sais. Oussama Ben Laden avait raison, l'Américain, faut le tuer, c'est le premier qu'il faut tuer. Ensuite, c'est le blanc. Et ensuite c'est l'Africain, et les populations asiatiques, et tous les autres aussi. Faut tous les buter, et laisser les animaux en paix, et les bâtiments faut les détruire, et laisser la poussière à la poussière. Alors, moi ce que je voudrais te dire, parce que je suis d'accord avec moi-même, c'est que l'enculade elle est partout, et que moi je vous encule comme vous m'enculez, et que c'est justement ça le problème, tu vois. Et moi j'ai la solution, c'est que vous devez crever, et moi aussi, tu vois. C'est ça la nuisance, de savoir qu'on existe. On comprend toujours rien, c'est toujours la merde, ça va pas changer, le 21 décembre j'espère qu'on va tous crever. Une voie qu'on aura choisi. De crever vaut mieux parce qu'on va crever, donc vaut mieux choisir de crever, comme ça au moins on est d'accord avec soi-même. On crève en buvant du café. En baisant ou en se branlant sur des films de cul de merde. On peut faire de la philo en même temps. Philosopher sur notre bite, tiens ma belle bite. En fait. Ma bite est belle peut-être. C'est de l'APP, de la philo pratique. Comme de la psycho clinique. Se fait avec ses mains ou avec d'autres. Du coup, je ne sais plus. Mais vous, ça va, toi ? Ça va, tiens ? Si tu renverses mon verre sur mon ordi, je me tue. Et si tu renverses ton bouquin, je ris. Beaucoup. En fait, ça, je m'en fous. Juste, je veux savoir comment. En me savatant, je vais mourir en me savatant. Mais non muni de savate, peut-on se savater ? C'est toujours essayé. Salvateur. Si on veut, on peut. C'est Walt Disney qui me l'a dit. Et Hergé aussi, cet enculé. Le savateur. Ouais, mais... Tintin la liberté, Tintin. Bon, c'est inconfortable d'être là, donc j'espère que vous écoutez pas, parce que c'est vraiment de la merde. Il est à peu près 22h, moins 5. Canal Sud, bon bah toujours pareil quoi, 92.2 FM dans la région toulousaine ou... CanalSud.net sur le net. Canal Sud, 92.2 FM on your FM dial in Toulouse or CanalSud.net on the web. J'ai des potes américains, alors il faut que je leur lèche le cul en parlant anglais, tu vois. Parce que moi j'ai besoin du fric, tu vois. Et vous les Français, vous avez pas de fric. Alors je vais voir les Américains parce que je veux du fric, moi, tu vois. Et après ce sera l'Asiatie. L'Asiatie, c'est pas mal, c'est dans 5-10 ans, là, l'Asiatie, elle sera bien, tu vois, bien placée. Aller chercher le fric là où il y en a. À Taïwan. Et pas en Équateur, comme certains croient qu'il y a du fric en Équateur. Non, il n'y en a pas. Il y a des émeraudes à peine. Peut-être des saphirs ou du diamant. Il n'y a rien d'autre. Pas de fric en tout cas. Pas de billets verts donc. Vert comme la beauté de la nature, l'espoir, la beauté de la nature, l'espoir, la virilité et aussi la fertilité de la nature, la beauté, l'espoir et tout. Si tu veux rouler une cigarette non magique, elle ne te gêne pas surtout. Je veux dire, le tabac c'est pas tabou, on peut en parler comme on veut. Le tabac ça tue. Ça y est, je viens de crever de tabac. On m'a tabassé. Donc le grand concours sur la triennale tient toujours. Il sera mené dans un lieu public ouvert à tous et accessible à tous. Dans une approche non scolaire, dynamique et moderne de la triennale. Tout le monde peut triennaler. Oui. C'est pas une conférence, c'est pas un dialogue, question-réponse, hein, non, c'est plus fin que ça. Hein. C'est un dialogue entre la triennale et le public. En fait. Mmh. On peut répondre ça. Mmh. Ah. Triennaler ensemble, chaque participant. Écoute, la porte au débat. Pas besoin de faire des études de triennale. Hein. On peut rentrer assez facilement dans le trip. Triennale, en fait, c'est une sorte de vote qui se fait dans une seule urne, mais à trois. Doit-on le rappeler ? On se vide de toute tendance à ne pas s'exprimer à ce moment-là. La triennale, voilà, est ce symbole comme quoi on ne peut pas s'exprimer. On n'a pas le choix. Quand on vote à des millions dans une seule urne. Voterons. Voterons l'anus. Germain l'anus. Quand ce qui rentre par nos mirettes à la taille d'un écran plat de 20 pouces, 30 pouces, 60 pouces dans le cul, et que notre capacité à enculer se résout à l'étroitesse de la fente d'une urne, un résumé en bref allez vous faire triannaler. Chez nous, le café sera offert, vous pourrez discuter avec vos potes en vous triannalant le cul, et tout en vous nettoyant l'anus en le trianalysant à l'aide d'une poire et d'une pêche aussi dans votre pomme ou tomber dans les choux et renaîtrez à nouveau dans une rose, une belle rose rose ou noire, car vous serez mort d'avance. Vous serez condamné à vivre une vie d'errance et de décrépitude jusqu'à la grabatitude d'un être sénescent. La déchéance étant la souffrance de la mort, vous aurez le choix entre revivre et mourir enfin pour ne plus jamais renaître, et vous choisirez de revivre parce que vous êtes bête et humainement stupide. Vous m'entendez ? Voilà, donc quelqu'un ? Mon ami la rose me l'a dit ce matin, tout n'est que merde, décrépitude, dégradation, stupitude, pourritude et turpidité. Je ulule d'avance. Scotomisez-moi, scotomisez-moi. Bon, c'est toute une histoire de vocabulaire sur Canal Sud. Ce soir, dans Nuisance, il est 22h. Nous sommes le 17 février 2012. C'est-à-dire à peu près quelques mois avant la fin du monde. Ah ! Vite, schnell ! Schnell ! La fin du monde est proche en France. In Frankreich, Sieg Frankreich. Heil Frankreich, Sieg. La fin du monde, nous la voulons car ça rapporte beaucoup. On peut parier dessus et tout. On peut se faire de la maille en spéculant. Et en spéculant des spéculums dans le spéculos. Je veux dire l'anus. Regardez bien au fond du trou du cul. Vous verrez la vérité. La vérité, c'est vous. Vous êtes de la merde. Nous aussi, nous sommes de la merde. Car nous, c'est nous. Et nous sommes tous ensemble dans la merde. La pourriture, la merde pourrite. Du pu et du cul qui pue. Du cul. De la merde. Bienvenue Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Bon, bah, je sais pas, tu vois. Alors, moi, je lui ai dit, va te faire enculer, tu vois. Mais il était toujours pas d'accord avec moi. Alors, j'ai dit, bah, je sais pas, alors, va te faire enculer. Et il m'a dit, ouais, non, je sais pas, tu vois. Moi, je lui ai dit, bah, va te faire enculer, mec. Et il me dit, non, non, j'en ai marre, t'entends. Mon cul supporte plus tout ça. En fait, j'avais un cul d'ado avant. Et ça passait. Mais maintenant, ça passe plus, ça saigne. Va te faire opérer. Et ben, j'en ai rien à foutre, j'ai pas les thunes. Putain, j'ai pas envie de faire opérer parce que je me prends des bites dans le cul. Mais j'en ai rien à foutre. Va te faire opérer, connard. En tout cas, va te faire enculer. Rien à faire. C'est perdu d'avance, lui. Non, il se fera pas enculer. On va tous crever, ça c'est un dur. Il a mal au cul, mais. Faut pas le dire, bordel de merde. Faut pas le dire, faut pas parler de son cul comme ça, t'sais. Ouais, non. Surtout pas de la merde. Surtout pas parler de la merde. Pas en ces termes, en tout cas. Faut dire le bonheur. L'argent. La richesse, la gloire. Faut pas dire la merde, putain. Le pouvoir. Tu vois, tu peux dire le pouvoir, tu peux pas dire la merde, quoi. Tu peux pas dire le trou du cul. Faut pas parler de ces choses-là. Non, il faut se les prendre. Sinon, tu perds l'étiquette. L'éthique, même carrément la morale et tout. Tu crames, mon gars, tu crames, tu fonds du crâne, du bulbe. Si un jour on te surprend avec une étiquette mentionnant l'achat d'un rouleau de PQ, mais tu peux plus accéder à ces choses-là. Ni la gloire. À ce moment-là, tu peux prendre le GHB. Ni l'argent, ni le prestige. Tu sais, le GHB que t'as dans la poche, et t'oublies tout. Et même si tu t'es fait défoncer le cul après avoir ingéré du GHB, tu t'en souviendras même pas. Et en fait, si quelqu'un te le dit, après tu comprendras. C'est ça le pouvoir d'ignorer, le pouvoir d'oublier. Ignorer, c'est bassesse. Et le pouvoir, c'est haut. Et le pouvoir d'ignorer, c'est encore plus haut que la bassesse. C'est plus haut que la merde. C'est mieux encore. C'est nous. Péter plus haut que son cul. La bouche, jusqu'à ne plus voir sa merde. Elle pue du cul, la bouche. C'est à ce moment-là précis que je lui dis, mais te fais enculer à ce bâtard, ce nain de jardin qu'on jette dans les trous du cul des autres. Hein? Tu sais, les Mexicains et tout ça. On les jette dans le trou du cul des autres, ce bâtard, ce nain de jardin puant. Et pendant ce temps-là, il nous fait chier. Si tu ignores ta merde, si tu l'ignores et tu l'assumes devant tout le monde, il y a peu de temps avant que tu ne te soucies jamais de la merde. Il n'y a pas de la musique pour ignorer notre merde ? De la musique, mais putain, va me faire enculer, quoi. Va me faire enculer, quoi. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Je sais pas ce qui m'empêche, en fait. Moi, je me sens pas exister quand je dis qu'il y a quelqu'un qui aille se faire enculer, s'il... Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que j'aille me faire enculer, c'est pas pareil. Ouais, non, mais justement, Dieu le souhaite, quoi, Dieu le veut, y a pas de gloire à ça, quoi, je me sens pas valorisé. Non, mais c'est pas radiophonique de niquer comme ça, tu sais, niquer tout le temps, prendre le cul des autres, comme ça, avec trianal et double anal, et même single anal, quoi. Je veux dire, un monokini, c'est un bikini avec une seule pièce, ou c'est quelque chose d'autre, quelque chose de différent, tu vois, quelque chose de plus que simple bikini. En fait, le bikini, c'est la valeur ajoutée. Quand tu t'es pris une bombe atomique sur ton monokini, ça devient un bikini. C'est un maillot de bain radioactif. Donc voilà, tout ce qu'il faut avec toi, c'est parler de chatte et de sang, et de cul et de bite et de chatte, et de sang et de bite et de cul et de chatte, c'est tout. C'est ça que tu veux pour pouvoir parler? C'est ce que j'ai vu partout, j'ai été éduqué comme ça. D'accord, bah je vais parler de ça alors. Alors j'ai vu une meuf, tu vois, à la télé, tu sais, et ben elle avait une chatte et elle avait une bite à la fois, tu vois. Elle était hermate, c'était génial, hein, elle avait trop du cul aussi, tu sais. T'imagines seulement les possibilités, quoi. Bah plus ouais, sa bite, ça, elle était double. Ça me fait pas rêver, quoi, parce que je me pose la question du pourquoi, c'est quoi le délire, et après, comment on fabrique ça, quoi. Et du ça coup... tout seul. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est naturel avec tout ça. Bah, quand je vois des escargots, ouais. Et des humains... Les humains, c'est de la merde. N'oublie pas. Pas de la merde à deux bites après tout, hein, je veux dire, ça me gêne pas, moi, dans le fondement du truc, fondamentalement, dans mon cul, ça me gêne pas, j'en ai rien à foutre, j'en chie, c'est tout. Alors moi, ce que je disais, c'était plutôt... J'ai pas réussi. Couleur, assez vert, gluant, sur fond rose. Et ça fait trop du bien. En fait, le choix ne se résumerait-il pas à l'importance des sécrétions ? Notre capacité à sécréter librement, en quantité illimitée. Et là où on arrive dans la pensée complexe, c'est quand on dépasse le stade de la sécrétion anale, quand on parle de tout type de pollution. Mais quoi ? Tu dis que je suis un teubé, c'est ça que tu dis ? Tu dis que je vais me faire enculer, c'est ça, hein ? Eh bien, en fait, ça, c'est l'écologie, on va dire, obsolète. L'ancienne école qui est de dire que il n'y a que les sécrétions anales. Ah mais l'encul, merde ! L'encul, putain ! Nous devons de polluer immédiatement par tous les moyens possibles. Et inimaginables. Nous avons encore les moyens d'arrêter la machine, alors polluons. Polluons l'univers avec nos satellites. Polluons la Terre avec notre bite. Et avec nos mythes, on pollue l'air. Et c'est tout ce qu'il nous faut. On a des bites, on a des satellites, on a des mythes. La pollution est là. Elle va rester pour toujours. C'est nous la pollution, nous sommes le virus éternel de cet univers pourri qui pue depuis qu'on est arrivé dessus. Quoi, je veux dire, passe-moi le cul. Mais vas-y, passe-moi son trou du cul, putain, ouais. Au moins, on fait pas de gamin comme ça. Chope le sida, on crève plus vite. Parce que la capote n'est pas remboursée, connard. Toi qui a roulé la cigarette devant le micro, putain. Ah, mais putain, pourquoi t'as parlé là ? J'étais trop bien dans ton cul. Ah, mais vas-y, parle-moi encore, tu sais. Mais non, mais c'était ça qui était bien, c'est que je m'étais introduit en toi sans que tu le remarques et j'ai trouvé que cet instant était magique, quoi. Ouais, magique comme une crotte de bique. Mais c'est ça que j'aime, moi, en fait. C'est quand c'est spontané. Spontanément con, c'est ça ? Convulsion ? Bah, tu sais comment me prendre, hein. Convulsion spontanée. Il y a que ça, hein. Faut me parler. Faut me parler de ce truc-là. Ouais, d'un air convexe. Concupiscent. Concave. Contondant. Et convaincu de convaincre. des cons. Vaincu. Et vainquant. Qui n'ont pas l'impression de, d'être vaincus, puisqu'ils sont vacants de mois par an. Et voilà, nous sommes vacants. Yeah, baby. Yeah, fuck me, baby, please. I love you so much. Fuck me. Essaye d'où? Oh, Al. Love you so much. Oui, Bob. And yes. Salut Bob. Oui. Toi aussi t'es Bob? Ouais, je suis humide. Moi aussi je suis Bob. J'adore ce guitariste. Il a juste un compteur gerbe avec lui et regarde comme ça tourne quoi. Ça gerbe. Putain, ça gerbe. Ouais, regarde comme ça gerbe mon gars. Là, nous sommes en sous-production, pas assez de merde, faut manger davantage. C'est pourquoi je vous demanderai de participer à l'effort de production. Parce que c'est la crise, il n'y a plus assez de merde. Mais, vous voyez, déjà certains sont au front et s'habituent à respirer de la merde, tous ensemble. Ça, les Français sont lucides, ils savent qu'on n'obtient rien sans rien et il faut avaler de la merde par tous nos orifices, même ceux qui ne sont pas, nos yeux étant des réceptacles à merde en merde. Voilà ce qui peut arriver si on ne regarde pas suffisamment la télévision. Voilà, plus assez de merde, voilà ce qui arrive. Donc voilà, ce qui arrive, si vous n'écoutez pas nos merdes, si vous ne chiez pas assez sur les autres, eh ben regardez, vous faites partie des autres. L'agonie, dégage. Ah, t'as voulu faire le malin là, à pas manger la merde des autres et à pas en faire. Vous êtes toujours à l'écoute de Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes le 17 février 2012. Bientôt quelques mois et nous serons tous morts le 21 décembre avec la fin du calendrier Maya ou encore je ne sais lequel. nous allons tous crever avec les orbes de l'amour, l'amour, la gloire, la beauté, l'amour et l'amour divin et le cosmos divin de l'amour, l'amour, oh le cosmos, oh l'amour, le cosmos, l'amour, l'amour du cosmos, oh oui, oh je jouis, le 21 décembre je vais jouir. Incandescence de l'amour glorieux du cosmos. L'amour cosmique. Bougie qui crame par les deux bouts. J'aime l'amour. Poupée qui fume par les deux trous. L'amour du cosmos. Ah, oh, cosmique. Ah, oh, cosmique. Ah. Oh. Dans la boue. Ah, nique-moi le cosmos. Et la bouse. Cosmique, oui. Nique, nique. Je t'aime tellement, cosmos. Oh, cosmos. Je t'aime tellement. Si je t'avais un fils ou une fille, je l'appellerais cosmos. Cosmic, c'est une fille. Cosmic girl. Et si j'avais un fils, c'est Cosmic boy. Yeah. Cosmic man. I'm the cosmic man, yeah. Cosmos man is here to save the day. I'm gonna save you from what you are. I'm gonna fuck you in the asses. And your butt fuck me in return. And you'll drink my cum. And I'll drink your fuck. And I'll fuck you till the fuck is ended. And the fuck I mean. You see what I mean? Fuck. Ce soir, nous avons interprété la toccata et fugue en D mineur de Jean-Sébastien Bach sur les ondes, l'opus 47B du toccata 478.7 du 12-24-2001.1, opus 24 C-121-4 bis 221-12 B 45 et... Et aussi l'univers, la beauté de l'univers. Nous avons abordé le sujet de l'amour du cosmos ce soir. Quoi d'autre? Nous avons aimé l'amour du cosmos. Salut mec. Et nous sommes en train d'interpréter l'amour du cosmos encore une fois pour vous en toccata fugue mineur de Jean-Sébastien Bach, D.421-12, opus 24B, du livre page 24 271, chapitre 4 du volume 36. Je t'ai aidé. Ça va plus vite. Dans la vallée en Inde, y a du truc. Y a du machin en Inde, dans la vallée. The final solution is not the answer. Alors c'est à ce moment-là que le mec, ben tu vois, il raconte sa vie, tu vois, et moi je lui dis ben j'ai rien à foutre, et je lui dis ben merde alors je quitte quoi, tu sais, et le mec il me dit ben merde va te faire enculer, et moi je lui dis ben c'est toujours pareil, tu vois, la merde c'est toi, et va te faire foutre, ben t'as qu'à avaler mon sperme en crachant du cul, tu t'es qu'une bière de merde, je t'encule. Et tout ça quoi, la discussion elle menait vraiment à un truc, un débat quoi, philosophique intemporel, celui de l'être-té quoi, tu vois. Donc l'être-té ou l'être-café. Et je me disais, donc, moi je préfère le 11 ans au café parce que au moins c'est pas gerbé, tu vois, c'est dégueulasse aussi. Et alors le mec il me dit, mais ouais, mais c'est parce que tu lui prends du primperm pour un anti-vomitif, quoi, pour pas vomir, c'est ça? Et il me dit, et je lui dis, ouais, bah ouais, je lui dis, ouais, tu sais. Et le mec il me dit, mais merde, comment ça peut être possible, je veux dire, d'être aussi con? Et moi je dis, mais va te faire foutre, tu sais, et enculé, tu vois, les bâtards, et bois mon fouf, go suck my cum, you stupid motherfucker, and go fuck a dick, you know? You weep, siphon, cum, jism, fuck, and shit, you know? So I was telling the guy, you know, fuck him. I was telling the guy, fuck him, you know, meaning, fuck you. So the guy said, yeah, but you know, fuck you, motherfucker. And I said, you're a fuck. And I said, fuck you. And I said, fuck you. Tu n'es qu'une merde, tu n'es qu'une merde pourrite, tu vas crever le derche trempé de pu, de sang, de foutre, et de merde, et de pisse. Et tu, ça va te gratter le cul quand tu vas crever, et tu vas être là, je pourrais pas me gratter parce que j'ai pas la force de me gratter, je vais pas perdre mon temps, mes derniers instants à me gratter le cul parce que ça me gratte, tu vois. Alors, il va falloir que tu supportes, et c'est là la clé, il va falloir que tu supportes la vie de merde que tu vis actuellement dans ton futur, parce que dans ton futur, tu seras là à assumer ta vie de merde que tu as vécu. Et à ce moment-là, quand tu vas crever, tu vas penser merde, putain, je suis que merde, alors pense-le maintenant, vite. I'm too goddamn fuck on a whispering high of Dickwad. Dickwad is in my name. This Dickwad is my game, you know. This is like fucked up. Yeah, it's fucked up, man. I'm probably the same after this. Deux choses. Okay, so as I was saying, the necromancer of the fuck, fuck machine on the fuckhead, still fucking on the motherfucker, I mean, it's still there, and j'ai remarqué ta remarque et je me dis que j'en ai rien à foutre du niveau, je suis là pour cramer le matériel de Canal Sud, et finalement, le matériel de Canal Sud, je le crame parce que je suis, tu vois, voilà, quoi, je suis de la merde. Bon, d'accord, le matériel de Canal Sud ne va pas cramer ce soir, c'était une blague, je blaguerai encore plus ce soir, jusqu'à 11h, donc il reste à peu près un quart d'heure, 17 minutes, pour blaguer, ha ha ha ha. On n'est pas de la merde en fait, on est vraiment bien, tu vois, je blague. L'humain c'est vraiment de la balle. C'est de la balle, ouais. L'humain c'est de la balle et on kiffe l'humain et on kiffe l'humanité. L'humanité c'est l'amour, la gloire, la beauté, l'ascension sociale, le fric. Le fric et les cours, les faux contacts, les courts-circuits, les faux contacts. Donc l'humanité c'est de la merde. Disons-le franchement, sincèrement, c'est ça la blague. L'humanité c'est vraiment de la merde. Qu'est-ce qu'on peut se marrer quand on se rend compte de ça? Mais alors vraiment, c'est vraiment de la merde. Parler de l'humanité, ça revient à parler de son cul, de son trou de balle plein de merde. Je suis constipé en ce moment, bah ouais t'es humain connard. si vous venez d'arriver, vous êtes dans l'émission Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Nous sommes en présence de l'amour divin, l'amour glorieux, la gloire, le désespoir, l'amour, la gloire du divin, Dieu, Maître, Maître. Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Parle-moi encore. Parle-moi encore, Dieu. Je t'entends, presque. Je suis presque à t'entendre. Je t'entends presque, Dieu. Oh oui, parle-moi encore. Oui, parle-moi de toi, Dieu. Je t'aime. Je t'aime tellement. Oh. Thank you. voudrais vous préciser que vous êtes sur Canal Sud, la radio du Sud, vers Toulouse, le canal sudien, comme je l'appelle moi-même. L'amour est dans le pré, la perfidie si près de nous, ô Seigneur, Maître. Bon, allez, passons. Bientôt, la Black Music. Vous écoutez Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Merci pour tout. Ô Seigneur, je t'aime tellement. Dieu louable d'entre tous les dieux. Je t'aime tellement, je t'aime. Dieu, je t'aime tellement que je t'aime tellement. Merci. Allez, trêve de bavardage. L'émission Nuisance touche à sa fin. Je vous rappelle que vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine en France ou sur canalsud.net sur le web internet. Je vous dis au revoir. Thank you.